cet enfant, puis toi me détrôner, et ne savoir que croire que ce présage menaçant pour ma vie et ma gloire. Tous nos délais noirs. Ils sont là, ils paraissent.